vol tous ces matins grimaçades. Cette même image, cette expression que tu retrouves sur la tronche des habitants des métropoles. J'en souffle, foutu vie crade. Je crois ce gosse paumé, ça se voit plus loin, s'assoit à même le sol comme pour user de sac plastique et de colle. Et moi, comme d'hab, je me cale à la terrasse du premier rad. Commande puis radote toutes ces pensées macabres. Système conso, je pense à la note, à ne pas dépenser trop. Vision des miens chiens, il se fait de ne voir sa vie avant la vôtre. Foutre sa patte sur les adeptes de Lucifer. Contradictoire puisque je finis mon verre. Des tas de questions, même pas finies. Réponse perdue dans l'infini, cerveau trop petit et la vision aussi. Sensation perte à chaque minute. Allume cette clope pour adoucir la lutte. Enfermé dans cette cage, cage à ciel ouvert, agoraphobe sévère, peine au cœur. Le vice est vertu, a pollué nos âmes et bouffé vertu. Le dollar rend ses âmes enfermées dans cette cage. Cage à ciel ouvert, agoraphobe sévère, peine au cœur. Le vice est vertu, a pollué nos âmes et bouffé vertu. Le dollar rend ses âmes, la méprise continue. La boule au ventre, les boules aux gorges. On ferme les yeux, se rassure pour se dire, il fait son boulot, Georges. Effet de dégoût permanent, on parle. Les égouts couramment se foutent tout, et ouais, tout staff, même la perte d'identité. Ferme ta gueule et à ton voisin, tu pourras t'identifier. Appelle une femme, une pouffe et plouf plouf. On te sort des pseudos, féministe déjanté. Fais ce que tu veux, du moment que t'as l'argenterie. Mais fais-toi une beauté car l'argenterie. Bref, encore un de ces mauvais tripes qui fait qu'une fois de plus je ripe entre thème et excentrisme. Ouvre les yeux et vois comment on se sent triste. Ferme les poings et vois comment on est plein. Fonce dans le tas et rejoins nos cousins. Une pensée pour tous ceux qui sont plus paumés que toi enfin. Moi je dis ça, c'est juste comme ça. Enfin, moi je dis ça, c'est juste comme ça. Enfermé dans cette cage, cage à ciel ouvert, agoraphobe sévère, peine au cœur. Le vice est vertu, a pollué nos âmes et bouffé vertu. Le dollar rend ses âmes enfermées dans cette cage. Cage à ciel ouvert, agoraphobe sévère, peine au cœur. Le vice est vertu, a pollué nos âmes et bouffé vertu. Le dollar rend ses âmes, la méprise continue. Place au vice plus de vertu. À croire que ma plume a des choses à dire. Disons que mon cerveau se doit d'écrire, réagir pour sortir de tout ce délire. La langue déliée, la fierté de billets. S'éloigner de ses billets, billets sans, sans mauvais, mauvais œil, pyramide, pyramide, retourné, équilibre, retrouvé, je me comprends, si toi non, c'est que t'es ignare, prends les choses en main, jette leur foutu bavoir, regarde, tout ce bétail à l'abreuvoir, et si la nuit arrive alors, dis-toi que demain sera trop tard, tarder, c'est rencarder, se mettre soi-même entre les mains du brancardier, impatient de voir venir l'heure du savabarder, pour pioncer pépère, être seulement bordé, et sur cet antithème abordé, te laisse à ta méditation, moi je à la prochaine station. Enfermé dans cette cage, cage à ciel ouvert, agoraphobe sévère, peine au cœur. Le vice est vertu, a pollué nos âmes et bouffé vertu. Le dollar rend ses âmes enfermées dans cette cage, cage à ciel ouvert, agoraphobe sévère, peine au cœur. Le vice est vertu, a pollué nos âmes et bouffé vertu. Le dollar rend ses âmes, la méprise continue. Dédicace, dédicace à tous ceux qui se reconnaîtront. Ceux qui souhaitent mener le combat, mener le combat. Et un grand merci pour la fraude, pour l'âme sur Freshka, Freshka. Enfermé dans cette cage, cage à ciel ouvert, agoraphobe sévère, peine au cœur. Le vice est vertu, a pollué nos âmes et bouffé vertu. Le dollar rend ses âmes enfermées dans cette cage, cage à ciel ouvert, agoraphobe sévère, peine au cœur. Le vice est vertu, a pollué nos âmes et bouffé vertu. Le dollar rend ses âmes, la méprise continue. Place au vice plus de vertu.